son vieux grenier aménagé. Il égrenait sur les cordes de sa guitare une vieille mélodie composée avec amour pour Marie-Lou. Une grande fille aux yeux sombres apparut un jour sur son écran, qui lui semblait si douce, qui lui parlait d'amour. Depuis son pays lointain, sans jamais le rencontrer, il ne pensait plus qu'à elle, envoûté par cet amour virtuel. Dans son vieux grenier aménagé, il égrenait sur les cordes de sa guitare une vieille mélodie composée avec amour pour Marie-Lou. Il en oubliait son premier amour, celui de la femme de sa vie. Une fille à la peau claire, aux yeux couleur de la mer, aux longs cheveux doux et blonds, qu'il avait aimé avec passion. Il oubliait leur bonheur passé, qui n'était plus que souvenir oublié. Rêve et réalité, il laissait passer le temps qui s'écoulait lentement entre raison et passion. Il perdait pied, laissait sa vie filer enfermée dans son vieux grenier. Entre rêve et réalité, entre passion et raison, dans son vieux grenier aménagé, il égrenait sur les cordes de sa guitare une vieille mélodie composée avec amour pour Marie-Lou.